Chapitre 11. L'excellent homme n'était décidément pas en veine ce jour-là. Furieux d'avoir été obligé d'abandonner Julien aux soins de Mélanie, il prit congé de la jeune fille, tourna très gauchement une demande d'autorisation de venir chercher des nouvelles du blessé et descendit avec l'intention formelle de faire parler Miette. La camériste l'avait deviné, dès qu'elle vit venir son compatriote, la main tendue. « Eh, bonjour, monsieur Bonenfant. Si je m'attendais à vous voir ici, par exemple. Et moi donc, ma chère petite Miette, c'est qu'elle n'a pas changé. Vrai, tu es toujours la même. Comparativement, non, réellement. Hé, si tu voulais reprendre la conversation que tu refusais de continuer jadis, te rappelles-tu? Oui, je me rappelle. Vous voulez me faire accroire que vous étiez amoureux de moi. Je ne l'ai pas cru. Que voulez-vous? Les pauvres filles sont méfiantes. Tu as eu tort, Miette, j'étais sincère. « Comme à présent. Autrefois, j'étais une des plus jolies filles du pays, et j'aurais flatté votre vanité. Maintenant, vous me faites des compliments par curiosité. Votre servante, monsieur Bonenfant, je ne sais rien. » En voyant la mine piteuse de son interlocuteur, Miette ne put s'empêcher de rire. « Pardon, » dit-elle, « madame m'appelle. » Et vivement, elle glissa entre les mains de Bonenfant, qui ne parvint pas à la saisir. Miette n'avait pas été appelée, mais elle arriva fort à propos. Le docteur, Arnold Barthes et Cabassu sortaient de la chambre et prenaient congé de Mélanie, qui, ayant reçu toutes les instructions du médecin, retournait auprès du patient. Miette aida Cabassu à redescendre le brancard. « Messieurs, dit le restaurateur, il sera bientôt midi. Voulez-vous me faire l'honneur de venir déjeuner à la chaumière ?»« Très volontiers, dit Bonenfant, qui s'empara d'un des côtés du brancard. « C'est moi qui invite, » ajouta-t-il en s'adressant à ses amis. « Nous verrons bien si je ne suis bon à rien. Père Cabassu, prenez garde à vos sauces. Si elles sont manquées, vous m'en rendrez raison. » Sextus Bonenfant était un bon homme après tout. Ses déconvenues furent vite oubliées et il noya sa colère dans un flot de paroles. Cabassu avait promis le secret, mais il n'y était pas tenu vis-à-vis de ses compagnons. Aussi, interrogé par Bonenfant, dit-il tout ce qu'il savait. En réalité, il savait peu de choses. À part les propriétaires de villas qui vont tous les étés à Ville-d'Avray, les habitants s'occupent peu des étrangers, locataires de hasard qui se renouvellent fréquemment. L'indifférence parisienne à l'égard des voisins s'étend dans un très grand rayon de la banlieue. Après avoir prêté quelques instants son attention au bavardage des deux provençaux, qui d'ailleurs ne se faisaient pas faute d'entremêler leur conversation de patois. Le docteur s'était remis à causer avec Arnold Barthes, toujours grave et sérieux, sans pédanterie ni tristesse cependant. Si désintéressé qu'il fût, le docteur entendit un mot qui le frappa et dont il demanda l'explication. Cabassu, parlant de l'habitation de Mélanie, avait dit « la villa des trapèzes ». Interrogé, « c'est sous ce nom qu'on la désigne dans le pays, » dit-il. « Pourquoi ?» Je ne sais pas. J'ai entendu dire par les fournisseurs, dont on ne se méfie pas, et qui voient et apprennent bien des choses, qu'il y a dans un coin du jardin, le plus caché, un gymnase complet et surtout des trapèzes. Il y a de plus un pavillon contenant des appareils d'hydrothérapie. Depuis combien de temps cette maison est-elle ainsi? Depuis 2 ou 3 ans. On a dit au début que c'était une école, mais on sut bientôt que la maison appartenait à un boursier, et qu'il faisait le matin et le soir une heure d'exercice. L'installation entière a été apportée de Paris. Le propriétaire est-il mort? Je ne crois pas. Il a fait de mauvaises affaires. C'est la première année qu'il loue sa maison. Dit-on que le gymnase est utilisé en ce moment? Je ne sais pas. Le docteur écrivit sur son carnet à fiches, page R, « Villa des trapèzes », à rapprocher de l'exclamation « Sommes-nous donc des femmes fatales ?» La conversation tomba. On arrivait à la chaumière. Les estomacs creux criaient famine et la chaleur était accablante. En un tour de main, Cabassu dressa la table et ordonna un menu auquel tout le monde fit honneur. Le restaurateur, après avoir refusé le prix de son dîner, reconduisit avec sa voiture ses convives à la gare. Mais dans le trouble des esprits, Cabassu avait si mal pris ses mesures que le train venait de passer quand ils arrivèrent à la station. Le docteur mit ce contretemps à profit pour aller revoir le malade. Il le trouva dans le même état. Miette était à son chevet, tricotant. « Mademoiselle dort, » dit-elle tout bas. « À peine étiez-vous partie, elle a pleuré et prié. Je n'ai pu l'obliger à déjeuner, et c'est à grand-peine qu'elle a consenti à faire sa sieste habituelle. » « S'est-elle endormie facilement ?»« Oh non, monsieur. Même son sommeil a été d'abord très agité. Elle, qui est d'habitude aussi calme qu'un enfant. Bien, ne la réveillez pas. Soyez seulement attentive à ce qu'elle reprenne ses habitudes, toutes ses habitudes. » Contrairement à ses habitudes à lui, le docteur venait de tendre un piège à Miette. Le médecin est un confesseur, et bien souvent les gens de service lui donnent, sans qu'il les demande, des détails intimes sur leur maître. Le docteur ne les écoutait même pas, voulant tenir de ses clients les renseignements ou les aveux qu'il jugeait nécessaires. Dans cette circonstance, il était trop intrigué pour suivre sa méthode ordinaire, faite de patientes observations et de déductions. Miette ne comprit pas ou ne voulut pas comprendre. Il n'insista pas. Mais en se retirant, il ne put résister au désir de savoir tout au moins ce qu'était ce gymnase qui, croyait-il, jouait un rôle important dans l'existence de la jeune fille. Miette l'avait accompagnée. Sans affectation, en connaisseur, il faisait le tour du jardin, admirant les corbeilles de fleurs, les arbustes, les bordures, les plates-bandes. La camériste était heureuse de son succès, car c'était elle qui disposait, entretenait et soignait le jardin. Le docteur n'osa pas pénétrer dans les massifs, auxquels donnait accès une seule issue, flanquée de tous côtés par d'épaisses touffes de lilas. Il eut peur d'être pris en flagrant délit de curiosité. Quand il fut sorti, se dirigeant vers la gare, c'est bien la peine, murmura-t-il, de s'appeler le docteur Voitoux, pour ne rien voir du tout.